Proverbe chapitre 28. Tout méchant fuit sans qu'on le poursuive, mais les justes seront assurés comme un jeune lion. Il y a plusieurs gouverneurs, à cause des forfaits du pays, mais pour l'amour de l'homme avisé et intelligent, il y aura prolongation du même gouvernement. L'homme qui est pauvre, et qui opprime les chétifs, est comme une pluie qui faisant du ravage, cause la disette du pain. Ceux qui abandonnent la loi, louent le méchant, mais ceux qui gardent la loi, leur font la guerre. Les gens à donner au mal n'entendent point ce qui est droit, mais ceux qui cherchent l'Éternel, entendent tout. Le pauvre qui marche en son intégrité, vaut mieux que le pervers qui marche par deux chemins, encore qu'il soit riche. Celui qui garde la loi, est un enfant prudent, mais celui qui entretient les gourmands, fait honte à son père. Celui qui augmente son bien par usure et par surcroît, l'assemble pour celui qui en fera des libéralités aux pauvres. Celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi, sa requête elle-même sera une abomination. Celui qui fait égarer par un mauvais chemin ceux qui vont droit, tombera dans la fosse qu'il aura faite, mais ceux qui sont intègres, hériteront le bien. L'homme riche pense être sage, mais le chétif qui est intelligent, le sondera. Quand les justes se réjouissent, la gloire est grande, mais quand les méchants sont élevés, chacun se déguise. Celui qui cache ses transgressions, ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les délaisse, obtiendra miséricorde. Bienheureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur, tombera dans la calamité. Le dominateur méchant sur un peuple pauvre, est un lion rugissant, et comme un ours qui étend sa proie. Le conducteur qui manque d'intelligence, fait beaucoup d'extorsions, mais celui qui est le gain des honnêtes, prolongera ses jours. L'homme qui fait tort au sang d'une personne, fuira jusqu'en la fosse, sans qu'aucun le retienne. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais le pervers qui marche par deux chemins, tombera tout à coup. Celui qui laboure sa terre, sera rassasié de pain, mais celui qui suit les fainéants, sera accablé de misère. L'homme fidèle abondera en bénédiction, mais celui qui se hâte de s'enrichir, ne demeurera point impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes, car pour un morceau de pain, l'homme commettrait un crime. L'homme qui a l'œil malin, se hâte pour avoir des richesses, et il ne sait pas que la disette lui arrivera. Celui qui reprend quelqu'un, sera à la fin plus chéri que celui qui flatte de sa langue. Celui qui pille son père ou sa mère, et qui dit que ce n'est point un péché, est compagnon de l'homme dissipateur. Celui qui a le cœur enflé, excite la querelle, mais celui qui s'assure sur l'Éternel, sera engraissé. Celui qui se confie en son propre cœur, est un fou, mais celui qui marche sagement, sera délivré. Celui qui donne aux pauvres, n'aura point de disette, mais celui qui en détourne ses yeux, abondera en malédiction. Quand les méchants s'élèvent, l'homme se cache, mais quand ils périssent, les justes se multiplient.